Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler avec notre ami Michel Lallemand, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Salut Danny! Michel, on va y aller avec ce qui s'est passé, le tournoi d'ouverture à Chibougamau. Le tournoi d'ouverture va avoir lieu cette semaine, Danny. Dans le fond, notre saison, elle commence pratiquement aujourd'hui. Ouais. C'est la première journée là, que la température vraiment clémente. Il y a un beau soleil, peut-être 15-16 degrés. Puis on annonce un beau fin de semaine. Fait qu'on débute samedi. Tournoi d'ouverture qui s'adresse aux membres et aux non-membres. On devrait accueillir 150 joueurs. Fait que ça va être le début de la saison. Ça se poursuit dimanche avec la première qualification de la Coupe des champions. Oui, oui, c'est bon, oui. OK. On revient cette année, donc, pour une 20e année. Encore 4 qualifications durant la saison. Les gagnants de chacune des qualifications dans chacune des catégories vont disputer la finale au mois d'août. Donc, comme tu le sais, généralement, on joue entre 24 et 30 participants. Et ça devrait être la même chose pour le dimanche de cette semaine. OK, OK. Aussi, tu vas nous parler. Y a-tu un trou d'un coup présentement à Chibougamau? Non, pas encore. Pas encore, OK. On vient d'ouvrir. Ouais, OK. Et puis, les conditions ont été difficiles. Notre début de saison, très difficile aussi l'année passée, à l'automne, comme je te disais. On avait eu un petit peu de misère. On n'a pas eu le temps de mettre nos produits. Fait que donc, on est à construire nos verres. On les voit améliorer là, de jour en jour, on peut dire. Fait qu'avec la chaleur qui s'en vient, de l'humidité, de l'eau, d'ici 15 jours, notre terrain devrait être revenu là, à ses conditions estivales habituelles. OK. Autre chose à ajouter, peut-être, en terminant? En terminant, on peut dire que la saison s'annonce bien. Oui. On a encore 24 activités. On est rendu à 175 membres. C'est bon pareil. C'est très bon pareil. C'est excellent. Hein? Oui, puis de ce nombre, on a une vingtaine à notre ligue junior de golf qui revient pour une sixième année. Et non, la saison, on voit ça d'un bon oeil. OK, dis-moi. Nos premiers participants en fin de semaine vont être au tournoi au club Saguenay-Arvida. Donc, trois de nos joueurs, dont Marc-Olivier Bougie, qui cette année veut faire un petit peu plus de tournois régionaux. Donc, ça va être intéressant à suivre ses performances. Il y avait un omnium senior, et je pense que tu m'as déjà dit l'année passée que le senior, c'est pas votre fort. Hein? Non, on n'est pas rattaché comme tel. Ouais, hein? Et par contre, cette année, on veut essayer là, d'être présent au senior à Delbeau et à Saint-Prime. Avoir peut-être 4 ou 8 joueurs pour peut-être commencer à faire la promotion. Il y a combien de joueurs qui pourraient jouer dans votre ligue, dans le circuit senior de calibre? Oui, mais le circuit senior comme tel, c'est un circuit amical. Oui, je sais, mais qui pourrait bien performer pareil. Des joueurs seniors, il y en a beaucoup, là. Ouais. Il y en a plusieurs qui pourraient performer, là, à tous les groupes d'âge, parce que les autres, ça marche pas par handicap, mais par groupe d'âge. Fait que donc, dans les 50, 55, 60, 65 et plus, on pourrait avoir des bonnes performances, c'est sûr. OK. Michel, je veux parler de Pierre-Alexandre Bédard. J'y ai parlé quand ça a sorti. C'est une mauvaise nouvelle, hein? La fin du Canadian Pro Tour. C'est sûr que c'était son plan de match initial. Il est après se réaligner, d'après ce que son père me disait. Mm. Il va être encore très actif quand même. Il va peut-être essayer de faire un petit peu plus de pré-qualif pour le Mackenzie Tour, mais il anticipe encore plusieurs événements. Puis ce que Daniel me disait, c'est que avec une fin de saison plus difficile l'année dernière, il a travaillé beaucoup de choses au cours de l'hiver en Floride. Puis là, ça semble vouloir apporter les correctifs nécessaires. Ça tient une bonne saison. OK. On s'en reparle la semaine prochaine, Michel? Toujours jeudi. Nous fait plaisir, Danny. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Albert.